j'ai débranché ma guitare. Et du coup, il n'y a plus rien. Ça marche bien, pourtant, ce guitare. Et plug. Attendez. Le micro, il marche. Hey. Ah, ça y est. Tu peux voir le gain là. Bon, bah voilà, la pêche. Bah, j'ai pas touché. Ah, ils sont où mes accords? Ils sont bons mes accords ou ils sont pas bons? Je sais ce que je passe. 120. Tac. Hey. Hey. 120. Hey. Ah. Hey. Ça va? Pas assez? tu fais comme comment il s'appelle, il vient toujours chanter, il respecte pas le tempo. On fait quoi? Tennessee, je la connais pas. Je prends mon petit livre avec les chansons. Je peux vous jouer. Thank you. peux pas dire les paroles. Allez,

prochain coup, La mineur, Fa, Ré mineur. Fa, Ré mineur. Envole-moi, envole-moi, envole-moi, loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Envole-moi, envole-moi, remplis ma tête d'un horizon d'autres mots. Envole-moi, envole-moi. Ah non, faut plus dire les pays, c'est pas bon. Un petit truc, je crois que c'est ça. Donc la mineur, envole-moi, envole-moi. Le BPI, c'est quoi ça? Il y a combien de mesures là? Il y en a un qui compte? C'est quoi ce BPI là? Après, il faut changer. Attends, je vais te marquer. Alors. C'est quoi? En 16? Bon, si tu veux, mais je crois pas. J'ai... Il y a plus que 16 mesures, hein? C'est 16. 32 plus 16. 48. C'est ça? Le mec, il est bon. C'est 24 peut-être, on va voir. Peut-être c'était 24. Ouais. Bon allez, je pars à 1, on va changer. Vous allez voir où est-ce que ça s'arrête. fatalité qui colle à ma peau. Vole-moi, envole-moi, remplis ma tête d'autres horizons, d'autres mots. Envole-moi. Maintenant voilà, maintenant je peux enlever le métronome, je peux enlever mon bip moi. Ouais, on attend le batteur. À la batterie, Mr. Phil. On attend le batteur et après on se fait le refrain de Jean-Jacques Goldman. Il est prêt le batteur ? Ah c'est, très bien, il arrive. Il est en train de chercher les baguettes. Mais comment il va tourner les 160 ? Jean-Jacques Goldman, qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est pas le. Mais non, il y a un problème de mesure, c'est pas possible. Remplis ma tête d'autres horizons, d'autres mots. Un titi. envole-toi, Titi. Allez. Envole-moi, envole-toi, s'envole et tout. Allez, on s'envole tous ce soir. Là. Thank you. C'est le même truc là. Mais elle est bien ta batterie. C'est pour les filles. Mais c'est bas pour moi, putain, ça. C'est fa, sol, do, fa, sol. Ce soir, revolver, elle a le regard qui tue. C'est comme ça. Un peu spécial, elle est célibataire. Le visage, pas les cheveux, son arrière. Elle se dessine sous des jupes fendues. Ça vous plaît ça? Et je devine des histoires défendues. C'est comme ça. Tellement si belle. sort. Tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Bah, les filles, elles aiment bien. Hein. Bon, allez, bon, c'est vrai. Ouais. On n'a pas de, y a pas de gonzesses qui écoutent, alors elles s'en foutent. Suivante. Allez, viens, je t'emmène. Oh non, j'aime pas ça. Qu'est-ce que j'ai? Il n'y a pas de téléphone là-dessus, là? Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Et la terre peut bien s'écrouler. J'ai fait la version. Version. Douce France, cher pays de mon enfance. Cesse le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras. 100 000 lieues de moi, comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs. Bon, allez, une autre. Attention. I sang an SOS to the world. I sang an SOS to the world. I hope that someone get mine. I hope that someone get mine. I hope that someone get mine. Message in a bottle. Message in a bottle. C'est un si sol la mi.